On n'est pas fort dans nos têtes, on n'est pas riche dans nos poches. C'est pas tous les jours la fête, c'est pas tous les jours si moche. Connaître souvent la défaite donne l'impression d'être cloche. Mais si tes restes est correct, t'auras l'appui de tes proches. Car un homme qui reste honnête donnera envie qu'on l'approche. Un homme qui n'a pas sa tête, on lui fera des reproches. Intelligent ou bien bête, le but remplir la sacoche. Voilà ce que l'homme respecte et voilà à quoi il s'accroche. De 7 à 77, de Barbès à l'avenue Foch. C'est pas les mêmes prises de tête, chez nous les problèmes ricochent. Elle est petite la planète et le mal se rapproche. Je veux remplir toutes les assiettes avant de graver mon blast dans la roche. Je m'inquiète et rien à foutre de pas rouler en Porsche. T'inquiète, c'est pas pressé que j'arrive en force. Je m'inquiète et rien à foutre de pas rouler en Porsche. T'inquiète, c'est pas pressé que j'arrive en force. On va pas se mentir, détruire le peu qu'on a. On met un pied après l'autre, avance à petits pas. On n'est pas venu pour fumer la moquette. Pas plus remplir Fleury, Bois d'Arcy ou les Baumettes. On n'est pas là pour se contenter des minima sociaux. On préférait que nos morceaux passent en boucle à la radio. On n'est pas là pour choquer par notre nonchalance. On pense à notre lendemain, mais est-ce qu'ils pensent à nous? Et toutes ces fausses promesses, ils ne se souviennent de rien. Mais bon, c'est sur l'instant qu'ils sont prêts à tout. Nos parents ont construit la France, ne sont que locataires. Ils ont fui l'arbitraire pour un rêve éphémère. Des vacances à la mer, 3 semaines dans l'année. Les 49 autres à trimer, pour vivre il faut manger. Se ranger quand on a choisi de vivre honnête. Un bon pourboire au livreur qui risque sa vie sur sa mobilette. C'est pas la peine d'être pressé vu la lenteur dont les choses avancent. Pas la peine de se lamenter, d'en faire un cas de conscience. On va pas se mentir, détruire le peu qu'on a. On met un pied après l'autre, avance à petits pas. Et y'a pire que pas y croire, baisser les bras, c'est laisser tomber. Être l'ombre de soi-même, toucher le fond, plus jamais remonter. Y'a pire que pas pouvoir, c'est voir qu'on peut et ne jamais tenter. Lâcher l'affaire à l'heure ou à la hauteur, il faut se montrer. Se cramponner, accepter les crampes et s'en tamponner. La vie c'est une route, un long chemin, une longue randonnée. Où tout s'achète et se vend, y'a rien à donner. Pour aller vers ses rêves, ici faut payer cher son ticket. Je veux aller où je veux, quand je veux, en esquivant les frontières. Te dire ce que je peux, garder mon intégrité entière. Te balancer ce que je pense sur la France et sa façon de faire. Lancer des phases qui foutent en l'air la guerre et les militaires. Dénoncer les stupes ou le plus stupide des commissaires. Faire le procès des juges, casser du fonctionnaire. Je veux dire ce que je pense, cracher de l'encre, ne faire qu'une bouchée. Défaut des profiteurs qui dans le rap nous jouent les fauchés. Et toucher en plein cœur l'auditeur, voilà mon but. Secret de connexion, coupeur de tête, accéléreur de chute. 9-9, j'arrive à fond comme une baffe dans ta gueule. Didier monte le son pour faire kiffer ceux qui en veulent. Comme un Mourad, secret de connexion, passe à l'action. Jamais dans la tendance, mais toujours dans la bonne direction. Si on s'entête à lancer des mots, des rimes sensées, c'est qu'en même temps que tes pieds, nous on veut voir ton cerveau danser. Ouais. Estimez ouais. moins que ce qu'on vaut, dur de faire tout ce qu'on veut. Sûr qu'avec ce qu'on vit, ouais. esquiver ouais. les lieux ça vaut mieux. Estimez-vous être heureux, soyons sérieux et parlons de ce qui va pas ici bas et de comment passer ouais. à l'action. Estimez moins que ce qu'on vaut, dur de faire ouais. tout ce qu'on veut. Sûr qu'avec ce qu'on vit, esquiver les lieux ça vaut mieux. Estimez-vous être heureux, soyons sérieux et parlons de ce qui va pas ici bas et de comment passer à l'action. Pour l'an 1002, c'est pour toi mon vieux. Besba, toi, Thomas, Ahmed, Mourad, secret connexion. Connexion, le MC m'a dit d'Algérie. Algérie, et c'est vrai que algérien. Dans les poches et dans les mains, j'en deviens gueudin. J'en deviens gueudin.